L'Heptaméron des nouvelles de Marguerite de Navarre, lu par Christian Jehan, troisième nouvelle. La Roanne de Naples joua la vengeance du tort que lui tenoua le roi Alphonse, son mari, avec un gentilhomme duquel il entretenoit la femme, et dura cette amitié toute leur vie sans que jamais le roi en eût aucun soupçon. Pour ceux, mesdames, que je me suis souvent suspecté compagnon de la fortune de celui dont je vois faire le compte, je vous dirai qu'en la ville de Naples, au temps du roi Alphonse, duquel la lascivité estoie le sceptre de son royaume, y avoit un gentilhomme tant honnête, beau et agréable que pour ses perfections un vieil gentilhomme lui donna sa fille, laquelle, en beauté et bonne grâce, ne devoit rien à son mari. L'amitié fut grande entre deux, jusque à un carnaval que le roi alla en masque parmi les maisons, où chacun s'efforçait de lui faire le meilleur accueil qu'il estoit possible, et quand il vint en selle de ce gentilhomme, fut traité trop mieux qu'en nul autre lieu, tant de confitures, de chantres, de musique et de la plus belle femme que le roi avait point à son gréveux, et à la fin du festin, avec son mari, disent une chanson de si bonne grâce que sa beauté en augmentoit. Le roi, voyant tant de perfection en un corps, ne prend pas tant de plaisir en doux accords de son mari et d'elle qu'il fait à penser comme il le pourra rompre, et la difficulté qu'il en faisoit estoit la grande amitié qu'il voyait entre eux deux, par quoi il porta en son cœur cette passion la plus couverte qui lui fût possible. Mais, pour la soulager en partie, faisoit force festin à tous les seigneurs et dames de Naples, où le gentilhomme et sa femme n'estoient pas oubliés. Pour ce que l'homme croit volontiers ce qu'il veut, il lui sembloit que les œils de cette dame lui promectoient quelque bien advenir, si la présence du mari n'y donnoit empêchement, et, pour essayer si sa pensée estoit véritable, donna la commission au mari de faire un voyage à Rome pour 15 jours ou 3 semaines. Et, si toste qu'il fût dehors, sa femme, qui ne la voit encore loin perdue de vue, en fait un fort grand deuil, dont elle fut réconfortée par le roi le plus souvent qu'il lui fut possible, par ses douces persuasions, par présence et par dons, de sorte qu'elle fut non seulement consolée, mais contente de l'absence de son mari. Et, avant les 3 semaines qu'il devoit retourner, fut si amoureuse du roi qu'elle estoit aussi ennuyée du retour de son mari qu'elle avoit esté de s'en aller. Et, pour ne perdre la présence du roi, accordèrent ensemble que, quand le mari ira dans ses maisons aux champs, elle fera savoir au roi, lequel la pourroit sûrement aller voir, et si secrètement que l'honneur qu'elle craignoit plus que la conscience n'en sera point blessé. En cette espérance-là se tint fort joyeuse cette dame, et, quand son mari arriva, lui fait si bon accueil que, combien qu'il eût entendu qu'en son absence le roi la cherchoit, s'y ne peut avoir soupçon. Mais, par longueur de temps ce feu, tant difficile à couvrir, se commença puis après à monstrer, en sorte que le mari se doupta bien fort de la vérité, et fait si bon guet qu'il en fut presque asseuré. Mais pour la crainte qu'il avoit que celui qui lui faisoit injure lui feste pis s'il en faisoit semblant, se délibéra de le dissimuler, car il estimoit meilleur vivre avec quelque fâcherie que de hasarder sa vie pour une femme qui n'avoit point d'amour. Toutefois, en se despit, délibéra le rendre si lui estoit possible, et sachant que souvent le despit fait faire à une femme plus que l'amour, principalement à celles qui ont le cœur grand et honorable, print la hardiesse un jour, en parlant à la Roanne, de lui dire qu'il avoit grande pitié, dont elle n'estoit autrement aimée du roi, son mari. La Roanne, qui avoua parler de l'amour du roi et de sa femme, lui dit « Je ne puis pas avoir l'honneur et le plaisir ensemble. Je sais bien que j'ai l'honneur dont une autre reçoit le plaisir. Aussi, celle qui a le plaisir n'a pas l'honneur que j'ai. » Lui, qui entendoit bien pour qui ces paroles estoient dictes, lui répondit « Madame, l'honneur est né avec vous, car vous êtes de si bonne maison que, pour être roanne ou impérieure, ne sauriez augmenter votre noblesse. » Mais votre beauté, grâce et honnêteté, a tant mérité de plaisir que celle qui vous en hoste, ce qui vous appartient, se fait plus de tort que à vous, car, pour une gloire qui lui tourne à honte, elle perd autant de plaisir que vous, née dame de ce royaume, ne sauriez avoir. Et vous puis dire, madame, que si le roi avoit mis sa couronne hors de dessus sa teste, qu'il n'aura nul advantage sur moi de contenter une dame, est-ce en sueur que, pour satisfaire une si honnête personne que vous, il devra vouloir avoir changé sa complexion à la mienne. » La Roanne, en riant, lui respondit « Combien que le roi soit de plus délicate complexion que vous, si est-ce que l'amour qu'il me porte me contente tant que je la préfère à toute autre chose ?» Le gentilhomme lui dit « Madame, s'il estoit ainsi, vous ne me feriez point que de pitié, car je sais bien que l'honnête amour que votre cœur vous rendroit très contente, s'il trouvoit en celui du roi pareil amour, mais Dieu vous en a bien gardé. » Afin que, ne trouvant en lui ce que vous demandez, vous n'en fissiez votre Dieu en terre. Je vous confesse, dit la Roanne, que l'amour que je lui porte est si grande qu'en nul autre cueur que au mien ne se peut trouver la semblable. Pardonnez-moi, madame, lui dit le gentilhomme, vous n'avez pas bien sondé l'amour de tous les cueurs, car je vous ose bien dire que tel vous aime de qui l'amour est si grande et importable que la vôtre auprès de la sienne ne se montrera rien, et d'autant qu'il veut à l'amour du roi failli en vous, la sienne croiste et augmente de telle sorte que, si vous l'avez pour agréable, vous serez récompensé de toutes vos pertes. La Roanne commença, tant par ses paroles que par sa contenance, à cognoître que ce qu'il disoit procédoit du profond du cœur, et va remémorer que longtemps avoit il avait cherché de lui faire service par telle affection qu'il en estoit devenu mélancolique, ce qu'elle avoit auparavant pensé venir à l'occasion de sa femme, mais maintenant croyoit à elle fermement que c'estoit pour l'amour d'elle. Et aussi la vertu d'amour qui se fait sentir quand elle n'est point feinte la rendit certaine de ce qui estoit caché à tout le monde. Et en regardant le gentilhomme, qui estoit trop plus amiable que son mari, voyant qu'il estoit de l'essai de sa femme comme elle du roi, pressé du despit et jalousie de son mari, et incité de l'amour du gentilhomme, commença à dire la larme à l'œil en soupirant « Oh, mon Dieu !» Faut-il que la vengeance gagne sur moi ce que nul amour ne se faire ? Le gentilhomme, bien entendant ce propos, lui répondit « Madame, la vengeance est douce qui, en lieu de tuer l'ennemi, donne vie à un parfait ami. Il me semble qu'il est temps que la vérité vous ôste la sotte amour que vous portez à celui qui ne vous aime point. Et l'amour juste et raisonnable chasse hors de vous la crainte qui jamais ne peut demeurer en un cœur grand et vertueux. Or, sus, madame, mettons à part la grandeur de votre estat, et regardons que nous sommes l'homme et la femme de ce monde les plus trompés, trahis et moqués de ceux que nous avons plus parfaitement aimés. Revanchons-nous, madame, non tant pour leur rendre ce qu'ils méritent que pour satisfaire à l'amour qui, de mon côté, ne se peut plus porter sans mourir. Et je pense que, si vous n'avez le cœur plus dur que nul caillou ou diamant, il est impossible que vous ne sentiez quelque étincelle du feu qui croisse tant plus que je le veux dissimuler. Et si la pitié de moi, qui meurs pour l'amour de vous, ne vous incite à m'aimer, au moins celle que vous-même vous y doit contraindre, qui est si parfaite que vous méritez avoir l'écueil de tous les honnêtes hommes du monde, et est desprisé et délaissé de celui pour qui vous avez dédaigné tous les autres. » La Roanne, oyant ces paroles, fut si transportée que, pour pas de montrer pour sa contenance le troublement de son esprit, s'appuyant sur le bras du gentilhomme, s'en alla en un jardin près de sa chambre, où longuement se promena sans lui pouvoir dire mot. Mais le gentilhomme, la voyant demi-vaincue, quand il fut au bout de l'allée où nul ne les pouvait voir, lui déclara par effet l'amour que si longtemps il lui avoit scellé, et se trouvant tous deux d'un consentement, jouèrent la vengeance dont la passion avoit testé importable. Et là délibérèrent que, toutes les fois que le mari y roit en son village, et le roi de son château en la ville, il retourneroit au château vers la Roanne. Ainsi, trompant les trompeurs, il se roit quatre participants au plaisir que deux cuidaient à voir tout seuls. La cour fecte s'en retournèrent, la dame en sa chambre et le gentilhomme en sa maison, avec tel contentement qu'ils avoient oublié tous leurs ennuis passés. Et la crainte que Chasquin avoit de l'assemblée du roi et de la damoiselle estoit tournée en désir qui faisoit aller le gentilhomme plus souvent qu'il n'avoit accoutumé en son village, lequel n'estoit que à demi lieue. Et sitôt que le roi le savoit, il ne foyoit d'aller voir la damoiselle. Et le gentilhomme, quand la nuit estoit venue, alloit au chasteau de vers la Roanne faire l'office de lieutenant de roi, si secrètement que jamais personne ne s'en aperçut. Ceste vie dura bien longuement. Mais le roi, pour être personne publique, ne pouvoit si bien dissimuler son amour que tout le monde ne s'en aperçût, et avoit tous les gens de bien grand pitié du gentilhomme, car plusieurs mauvais garçons lui faisoient des cornes par derrière, en signe de moquerie, dont il s'apercevoit bien. Mais ceste moquerie lui plaisoit tant qu'il estimoit autant ses cornes que la couronne du roi, lequel, avec la femme du gentilhomme, ne se peut un jour tenir, voyant une teste de cerf qui estoit élevée en la maison du gentilhomme, de se prendre à rire devant lui-même, en disant que ceste teste estoit bien séante en ceste maison. Le gentilhomme, qui n'avoit le cueur moins bon que lui, va lui faire escrire sur ceste teste « Io porto le corna, siascum lo vede, ma tal le porta, che no lo crede. » Le roi, retournant en sa maison, qui trouva ceste escrito nouvellement mis, demanda au gentilhomme la signification, lequel lui dit « Si le secret du roi est caché au cerf, ce n'est pas raison que celui du cerf soit déclaré au roi, mais contentez-vous que tous ceux qui portent corne n'ont pas le bonnet hors de la teste, car elles sont si douces qu'elles ne descoiffent personne, et celui les porte plus légèrement qui ne les cuide pas à voir. » Le roi convenut bien par ces paroles qu'il savoit quelque chose de son affaire, mais jamais n'eût soupçonné l'amitié de la Roanne et de lui, car, tant plus la Roanne estoit contente de la vie que son mari menoit, et plus feignoit d'en estre mari, par quoi vesquirent longuement d'un costé et d'autre en ceste amitié, jusque à ce que la vieillesse y meste ordre. Voilà, mesdames, une histoire que volontiers je vous montre ici pour exemple, afin que, quand vos maris vous donneront des cornes de chevreuil, vous leur en donniez de cerf. » En la suite commença à dire en riant, s'affredant, « Je suis tout asseuré que, si vous aimez autant que autrefois vous avez fait, vous endureriez cornes aussi grandes qu'un chêne pour en rendre une à votre fantaisie. Mais maintenant que les cheveux vous blanchissent, il est temps de donner trêves à vos désirs. » Mademoiselle, dit s'affredant, combien que l'espérance m'en soit ostée par celle que j'aime, et la fureur par l'âge, sinon saura diminuer la volonté. Mais, puisque vous m'avez reprince d'un si honnête désir, je vous donne ma voix à dire la quatrième nouvelle, à ceste fin que nous voyons si par quelque exemple vous m'en pourriez desmentir. Il est vrai que durant ce propos, un de la compagnie se prend bien fort à rire, sachant que celle qui prenoit les paroles de s'affredant à son avantage n'estoit pas tant aimée de lui qu'il en eût voulu souffrir corne, honte ou dommage. Et quand s'affredant aperçut que celle qui riait l'entendoit, il s'en tint très content et se tut pour laisser dire à la suite, laquelle commença ainsi « Mesdames, afin que s'affredant et toute la compagnie cognoisse que toutes dames ne sont pas semblables à la Roanne de laquelle il a parlé, et que toutes les folles et hasardeurs ne viennent pas à leur fin, et aussi pour ne sceller l'opinion d'une dame qui jugea le despit d'avoir failli à son entrepince pire à porter que la mort, je vous raconterai une histoire en laquelle je nommerai les personnes, pour ce que c'est de si fraîche mémoire que j'aurai peur de desplaire à quelqu'un des parents bien proches. »